En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongnews, le 26 à Daejeon, il y a eu le deuxième rassemblement d'actualité de la ville de Daejeon pour la démission de Bakune, dans le cadre de la 5e action pan-nationale commencée sur toute l'étendue du pays. Ce jour-là, le rassemblement des chrétiens de Daejeon auprès de la direction du mouvement de Daejeon pour la destitution de Bakune a publié un manifeste d'actualité réclamant la retraite de Bakune, la dissolution du parti pour un nouveau monde, l'éclaircissement de l'accident du Pakebo Séoul, la retraite de la décision sur la disposition de SAD et l'abolition de l'accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon. Par ailleurs, selon la radio KBS, des vétérans politiques et religieux, notamment les ex-présidents du Parlement et ex-premiers ministres sud-coréens, se sont réunis le 27 pour publier une convention réclamant la destitution de Bakune.